Quand j'avais 20 ans, j'étais belle. Tous les jeunes hommes du village me couraient après. Mon père, le pauvre vieux, ne savait pas où donner de la tête. Et même au bal, dans la chaleur de l'été, le fusil de chasse sur l'épaule, il restait assis, dans un coin à me surveiller. Et puis, je me suis mariée avec le fils du boulanger. Celui-là, il lui plaisait à mon père. Bien sûr, plein d'amabilité devant les gens. Et à la maison, c'était une autre histoire. Alors maintenant qu'il n'est plus là, mon vieux, et que mon boulanger est parti pour une plus jeune, il ne faut pas me raconter des histoires. La vie, il faut la prendre comme elle est. Il ne faut pas en attendre des miracles.